Chapitre 27e, Nuit d'angoisse. Pagnose, au bout d'un moment d'anxiété, osa lui rompre le silence. « Si c'est Pip qui a emporté la main à la bague sacrée, nous la retrouverons certainement, » affirma-t-il avec assurance. Paul Broken ne partageait pas du tout cet avis, n'entrait nullement dans la confiance du cow-boy. Il doutait toujours des chiens, malgré tous les beaux exemples qu'on pouvait lui donner de la rare intelligence de quelques caniches savants. De Pip, après les scènes précédentes du bungalow, il se méfiait, bien plus maintenant que le chien tout à coup avait disparu sans vouloir écouter son maître. « Où est-il allé ?» se demandait-il. « Dans quel coin perdu et introuvable, qu'on ne peut soupçonner, son instinct de chien enfouisseur a-t-il pu le pousser à cacher cette main volée ? Par là même, cette bague sacrée gage de la liberté de notre cher darling. » Au sortant du magasin de Footsy, le cow-boy, aidé par Ayamaki, se mit en quête du chien. Il le siffla dans les rues avoisinantes sans aucun résultat. « Il est à craindre, » dit Paulin Broquet, « que le chien ait été arrêté dans sa fuite, pris soit par la police, ce qui serait un bonheur, soit par quelques gens inconnus. Alors pour nous, ce serait un désastre. » Un chien, en effet, qui tiendrait dans la gueule comme celui-ci une main, on allait fatalement donner la chasse, on devait le capter. Alors la bague, la fameuse bague, serait prise, livrée, vendue, cachée, perdu à jamais non seulement pour les Tchouma et les fidèles, mais aussi pour Paulin Broquet et Miss Eden. Quelle situation, quelle anxiété, quel désespoir. Lentement, absolument navré, ne comptant même plus sur le hasard, Paulin Broquet et Miss Eden regagnaient leur voiture pendant que Pagnose et Ayamaki continuaient leur recherche dans les environs de la maison. Un espoir restait encore au cœur de Paulin Broquet. « Peut-être, » dit-il à sa femme, « peut-être que le chien a-t-il fui la maison de Footsy avec sa proie tragique, et ne sachant où aller, est-il d'instinct venu chercher un abri provisoire, là où se trouve la voiture. Et il fallut abandonner cet espoir suprême. En arrivant à l'auto, Paulin Broquet demanda au chauffeur s'il n'avait vu Pip, et le chauffeur dut dire qu'il n'avait pas aperçu le chien. « Alors rentrons à la maison, » dit Paulin Broquet. Il aida doucement la femme rousse à monter en voiture et la fit asseoir. Quand l'auto se mit en route, abandonnant cette ville mystérieuse, cette terrible Chinatown, où dans quelques couloirs de l'oubli, Darling était prisonnière, pour la première fois de sa vie peut-être, Miss Eden s'abandonna à sa douleur de mère et se jetant dans les bras de son mari, pleura abondamment. « Darling, ma pauvre Darling, la reverrai jamais. » Ils arrivèrent tard dans la soirée au bungalow blanc. Paulin Broquet sauta vivement de l'auto. Il courut dans le jardin, siffla, appela. « Pip ! Pip ! » Ce fut en vain. « Nous n'avons pas vu le chien, » dirent les domestiques. Tsuru, la branche de glycine, affirma n'avoir point quitté le jardin où elle attendait le retour des maîtres et de son cher Ayamaki. Elle n'avait point vu non plus Pip. « Il n'aurait pu pénétrer dans le jardin, » déclara-t-elle, « sans passer sous mes yeux. » La douce Tsuru aida Miss Eden à gagner ses appartements. Elle tenait dans ses bras son 16 sous, propre et joli, tout nouvellement habillé pour que Darling fût contente et fière de son joli joujou japonais. 16 sous attendait lui aussi non seulement sa Darling, mais aussi les bonbons qu'elle ne pouvait manquer de lui apporter. Sa petite voix réclamait « Darling, Darling !» Et cet appel de l'enfant était navrant, augmentait la douleur de la mère. Plus tard, Pagnose et Ayamaki, ayant en vain cherché dans les rues, fouillés dans tous les coins, questionnés les gens dans les environs de la maison tragique de Footsy, revinrent au bungalow. Pagnose comptait lui aussi trouver là son chien. Grand fut son étonnement de ne pas le voir et très forte son anxiété. Pagnose, navré, ne se coucha pas. Il alluma sa pipe et se tint devant son pavillon assis sur un escabeau à côté de l'écurie. Toute la nuit, il attendit le chien. De temps en temps, il faisait le tour de la maison, allait même sur la route, sifflant, appelant son Pip, qui peut-être n'osait pas rentrer, croyant avoir mal fait en volant cette main et redoutait une correction. Alors il voyait en haut, dans le bungalow, derrière les rideaux, l'ombre de Paulin Broquet se promenant dans son bureau, veillant lui aussi, attendant. Une crainte effroyable, une terreur nouvelle, étreignait maintenant le cœur de Paulin Broquet, au fur et à mesure que les heures s'écoulaient, que la nuit passait, que le jour commençait à poindre. Lui qui souriait au plus fort du danger, qu'aucun contretemps ne pouvait dérouter, que nul échec ne parvenait à abattre, lui dont le cœur semblait, comme la volonté, de l'acier le plus pur, Paulin Broquet, qui s'était vu 100 fois séparé de la mort par l'épaisseur d'un cheveu, et qui n'avait pas tremblé en ce moment, il grelottait d'angoisse, son front ruisselait. Il joignit les mains et douloureusement répéta, comme en une plainte suprême, une prière aussi. « Mon Dieu, ayez pitié de nous !» Puis à bout de résistance, d'énergie, courbé sous la fatalité atroce, il alla s'asseoir dans son grand fauteuil de repos et prenant sa tête dans ses mains, laissant enfin parler son âme oppressée, il éclata en gros sanglots. Comme il pleurait, deux mains douces comme des caresses relevèrent sa tête et sur son front brûlant, la femme rousse posa tendrement la tiède fraîcheur de son baiser. « Ami, dit-elle affectueusement, vous pleurez. C'est donc que tout espoir est perdu puisque vous-même perdez confiance. Cher aimé, chère femme, ma chère âme, vous me surprenez dans un moment où le verre trop plein déborde, où mes nerfs surexcités se détendent dans des larmes. Je ne vous le cacherai pas, je ne mentirai pas. Je pleure, oui, je pleure. Parce que j'avais besoin de pleurer. Parce que les larmes sont nécessaires pour que tout mon organisme de lutteur, de combattant, ne se détraque pas, ne se brise pas dans cette lutte pénible contre le néant terrifiant. Voilà pourquoi je pleure, mais je ne désespère pas. » Messie Dunn doucement lui dit, « Je voudrais vous croire, oui, je voudrais tenir pour vrai ce que votre amour vous porte à dire à la mère de Darling, mais je redoute quelque chose de plus. J'ai peur d'un nouveau danger dont vous n'osez me parler. » Paulin Broquet tendrement regarda sa femme et comprit qu'elle devinait qu'il ne devait rien lui cacher. Il la savait au demeurant assez courageuse, assez forte, pour supporter les plus dures éventualités, affronter les plus effroyables catastrophes. « Oui, dit-il, oui. Il vaut mieux d'ailleurs que je vous dise tout. Un nouveau malheur nous frappe. Non, cher ami, c'est seulement une supposition nouvelle que je fais. Au sujet de l'absence du chien, oui. Il n'est pas rentré, vous supposez qu'on l'a tué, qu'on lui a pris la main et la bague. C'est cela, en effet. Ou bien que le chien a enterré la main dans un terrain de lui connu, que nous ne découvrirons jamais, car il aura peur d'être grondé par son maître, il ne le dévoilera pas. C'est hélas vrai aussi. Et nous ne parviendrons jamais à faire comprendre à Pip qu'il doit nous conduire à la cachette de la main. » Missy Dunn courba la tête et ne put, en voulant consoler Paulin Broquet, que se laisser aller elle-même à son immense douleur. « Cependant, lui dit Paulin Broquet en la berçant affectueusement comme une grande enfant, cependant tout n'est pas encore perdu, et nous nous forgeons peut-être des chimères atroces, quand au contraire tout s'arrangera pour le mieux. Ah, je voudrais tant vous croire. Nous devrions partager la confiance de Pagnose, qui connaît bien son chien. Oui. Il nous a formellement donné l'assurance que quand Pip tenait quelque chose dans ses dents, on ne pouvait le lui prendre. C'est exact. Je connais moi aussi les chiens caraïbes et je sais que ce qu'affirme Pagnose pour son Pip est la réalité. Allons, espérons, gardons confiance. C'est moi qui ai tort absolument de m'alarmer si fort. Paulin Broquet essuya ses yeux, il épongea ceux de sa femme. Il aurait voulu qu'elle prît un peu de repos. Mais Missy Dunn s'y refusa. « Non, je tiens à rester auprès de vous. J'ai moins peur, j'ai moins de chagrin. Et il me semble, en vous voyant, que j'ai plus d'espérance. » Paulin Broquet alors la fit asseoir dans son grand fauteuil de repos et vint se placer auprès d'elle sur une pile de coussins. Il lui prit les mains et ainsi tendrement, tous deux écoutèrent les dernières heures de la nuit sonner tristement à la grande pendule et virent venir les premières lueurs roses du jour. En bas, Pagnose faisait toujours sa ronde. De temps en temps, Ayamaki venait lui tenir compagnie, regarder dans la rue avec lui, chercher aux alentours du bungalow.